C'est pas des questions qu'ils devraient poser, ils devraient écrire des livres. Alors, on y va. Ou nulle part. Si deux astronautes partent dans l'espace pendant un an et que la Terre explose pendant ce temps, que se passera-t-il à eux car ils ne seront plus plugués à l'astral, aux mémoires? J'ai déjà répondu à cette question-là, là, presque un an. La personne l'a retrouvée dans ses poches. Ça n'arrivera jamais. Alors, la question n'a donc aucune intelligence à être répondue, parce que jamais ça ne va arriver. Pour moi, l'intelligence intelligente, c'est de l'amour, et le supramental, c'est intelligent, c'est de l'amour. Sinon, ce n'est pas de l'intelligence. Pourquoi, à présent, différencies-tu les deux? Bon, pourquoi on différencie les deux? Parce que les deux sont différents. Voilà. C'est pourquoi on différencie les deux. La personne, elle dit, pour moi, l'intelligence, c'est de l'amour. Et lorsqu'elle va rencontrer des gens qui vont appliquer de l'intelligence sans l'amour, elle va les refuser. Ils n'aiment pas. Ce serait donc bon qu'elle puisse discerner que l'intelligence, c'est pas de l'amour. Alors, elle pourra au moins prendre l'intelligence des gens, même s'ils n'ont pas d'amour, puis continuer à prendre l'amour chez ceux qui apparemment n'ont pas d'intelligence et arriver à fusionner les deux. Lorsque l'on voit quelqu'un qui passe et qui fait quelque chose d'intelligent, donc d'écologique, sans amour, on le refuse si on pense que l'intelligence, c'est de l'amour. L'intelligence, ce n'est pas de l'amour. L'intelligence, c'est de l'intelligence. L'amour, ce n'est pas intelligent. L'amour sans l'intelligence, ce n'est rien. L'intelligence sans l'amour, c'est fracassant. Alors, lorsque l'on voit une personne qui aime et qui, parce qu'elle aime, elle tue la fleur au nom de l'amour, elle empêche ses enfants de partir à un certain âge au nom du fait qu'elle les aime. Elle oblige tous ceux qu'elle aime à être manipulés et à les rendre toutes malheureux parce qu'elle les aime. C'est de l'amour inintelligent. L'amour, ce n'est pas intelligent. Alors, lorsqu'une personne prend le concept que l'intelligence est nécessairement de l'amour, tout ce qui va dans l'intelligence est exprimé, elle va le rejeter parce que pour elle, l'intelligence doit être amour. La personne qui pense que l'amour est nécessairement intelligente, lorsqu'elle va voir de l'amour sans intelligence, elle va dire « ce n'est pas de l'amour ». Alors qu'en réalité, c'est deux choses. Et on doit avoir les deux. C'est pourquoi de conserver le concept que l'intelligence, c'est nécessairement de l'amour, c'est un concept, c'est une copie conforme d'un amalgame du Dieu dans le monde de la mort, du Dieu dans le ciel, le Dieu intelligent qui aime l'homme. Ça, c'est l'amalgamation d'une trinité, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de l'intentionnalité, volonté, c'est comme vous voulez, de l'amour et de l'intelligence. Et pourquoi on sépare les trois? Bien, simplement que si un jour tu ne vois que l'un des trois, tu vas le refuser parce que les deux autres ne sont pas là. C'est préférable de savoir que c'est différent, comme ça, ben accepte-en un, puis cherche l'autre, puis cherche l'autre, puis fusionne les trois. L'amour, ce n'est pas intelligent, l'intelligence, ce n'est pas de l'amour. Je différencie les deux comme j'ai toujours différencié les deux et les trois, sauf qu'aujourd'hui, je précise un peu plus, et on doit nécessairement faire la nuance. Le nouveau type, c'est détruire les formes. On entre dans l'habitude de détruire les formes, nouveau piège subtil, récupération. Une habitude en vaut-elle une autre? Une habitude n'en vaut pas une autre. Il y a des habitudes qui sont de beaucoup supérieures à certaines autres. La conférence ce soir va-t-elle enfin durer beaucoup plus longtemps? Je ne sais pas encore, j'attends de voir après. Est-ce que la femme est plus susceptible d'exprimer plus facilement le plan bouddhique au travers le plan supramental? Oh, c'est une bonne question. Oui, la femme peut exprimer plus facilement le plan bouddhique, mais elle aura de la difficulté à exprimer le plan supramental. L'homme exprimera plus facilement le plan supramental, aura de la difficulté à exprimer le plan bouddhique. Pas parce qu'ils sont constitués différemment. Du point de vue extraterrestre, la constitution reste la même. Sauf que la femme aura plus d'expérience intéressante du point de vue de l'expression bouddhique astralisée, l'affection, et l'homme aura plus d'expérience intéressante pour lui du point de vue de l'intelligence astralisé, l'intellect, la logistique mentale. Du point de vue de la constitution, au-delà du monde de la mort, l'homme et la femme se rejoignent. Sauf que l'anti-homme de la femme et l'anti-homme de l'homme étant quelque peu différents par leurs expériences planétaires, et la femme aura plus de facilité, si elle se supramentalise, à accepter de lire la codification du plan bouddhique dans l'astral pour connaître le plan bouddhique cieux-leste, alors que l'homme, lui, ben, il va avoir encore la même problématique. L'homme qui rentre quelque part et qui se met à avoir des larmes qui coulent parce qu'il vibre à quelque chose, il va se Il va chercher à exprimer plus d'intelligence, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte que le contact bouddhique se coupe. La femme qui rentre et qui se met à pleurer, elle va trouver ça normal. Si une femme est habituée, ça marche. Alors, la femme aura plus de facilité à exprimer le plan bouddhique pendant quelques secondes. Et l'homme aura plus de facilité à exprimer le plan supramental pendant quelques secondes. Et puis après ça, la femme sera capable d'exprimer les deux, et l'homme sera capable d'exprimer les deux. Mais on ne peut pas dire que ce sera une difficulté qui durera longtemps. Est-ce que les gens qui sont réellement supramentales ont dû avant tout tremper dans l'astralo-supramental et s'en sortir? Oui. Comment fait-on pour discerner l'astralo-supramental du supramental? Ça n'a aucune importance, ne te fie pas à aucun des deux. Alors, que ce soit... Regardez le problème. Je m'en vais lire quelque part dans une forme énergétique. Je pose une question, j'ai une réponse, elle me satisfait. Alors, je dis la réponse, moi, mais tout d'un coup, c'était de l'astralo-supramental. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est la même chose que le plan supramental. L'important, c'est que je ne me dise pas « Ah, je suis connecté! » Là, je suis déconnecté. Que je mange la tranche de pain... Que je mange la mie du pain à partir de la tranche ou que je mange la mie du pain à partir simplement de la mie du pain parce qu'on a déjà ôté la tranche, ça ne change pas grand-chose. Quand on a un contact, qu'il soit astralo-supramental, supramental, qu'il soit quoi que ce soit, quand un mormon vient vous dire une réalité, elle est réelle. Pas besoin de savoir de quel secte, de quelle obédience. Quand on pose la question astralo-supramental ou supramental, restez vos seuls maîtres, alors on n'a plus besoin de problème. C'est la même chose que si on poserait la question... Un individu, et ça, on me la pose souvent la question. Monsieur Kem, quel diplôme vous avez? Si c'est supramental, ça a de l'allure. Si c'est astralo-supramental, ça n'a pas d'allure. C'est ce que les gens, finalement, vont penser. Si je suis diplômé, ça a de l'allure. Si je n'ai pas de diplôme, ça n'a pas d'allure. Puis quand on se conscientise, on finit par dire, s'il y a des diplômes, ça n'a pas d'allure, puis s'il n'y en a pas, ça a de l'allure. Mais ça sert à quoi? Quand on a une réponse, la réponse, on doit, nous, la décortiquer et la vibrer. La vibrer, c'est l'exprimer du point de vue d'un amour intelligent. Alors, l'intelligence doit résonner dans notre corps. L'intelligence doit vibrer chez nous. C'est ce qui engendre aussi le rayonnement. L'intelligence doit devenir quelque chose de coronarien. Pas du point de vue hormonal, mais on doit avoir un cœur intelligent, donc on doit être capable de le vibrer. Supramental ou astralo-supramental, c'est la même énergie. Sauf que l'énergie, au lieu de sortir du robinet, elle est dans un galon. Mais je bois l'eau là, je bois l'eau là, je bois l'eau pareil. Si je pense que le galon, c'est le robinet, je suis fait. Comment discerner? Pense à rien. Alors, si c'est dans le robinet, tu vas boire. Si c'est dans le galon, tu vas boire. Puis jamais tu te fais casser la tête à savoir d'où c'est que ça vient. Si Satan te dit, sauve le chien, puis ça te vibre, sauve le chien. Si Yahvé te dit, sauve le chien, ça te vibre, tu sauves le chien. Si l'intelligence fondamentale te dit, sauve le chien, ça te vibre, sauve le chien. Moi, mais non, c'était Satan. Puis, si ce coup-là, Satan avait raison, j'applique. Il serait bien que dès aujourd'hui, tu accordes une heure de plus aux réponses aux questions. Bon. Le fait de ne pas obéir à l'antihomme peut-il entraîner le piège qui est de s'égoïser, de s'en égoïser? Devenir orgueilleux d'être humble. Être modeste et s'en vanter. Non. L'antihomme ne peut exprimer qu'une seule forme d'expression supramentale, bouddhique ou divine, à la fois. Alors, lorsque la personne, elle arrive à exprimer des choses, donc qu'elle s'en égoïse, elle ne pourra pas se faire avoir par l'antihomme. Mais on fait référence à la colère mentale 2. Il n'y a aucun problème. Exprime plus de trois choses à la fois et l'antihomme ne pourra pas passer. Il n'y a pas de danger. Quelle attitude... Bon, une autre question qui date d'un an. Quelle attitude l'homme doit-il avoir avec le matériel, l'argent? Il doit tout faire pour que tout le monde en aille. Et il ne doit jamais souffrir que personne en ait. L'attitude de l'homme par rapport au matériel et à l'argent, c'est le même genre d'attitude que par rapport aux dieux dans le ciel, aux archétypes et aux formes. La matière est quelque chose que le corps a besoin. L'argent, c'est du temps et de la matière. Ça donne la possibilité à tout le phénomène événementiel évolutionnaire de pouvoir travailler à cause qu'il a le temps. Et ça permet à toute la matière qui supporte l'évolution de continuer parce qu'il a, la matière avec l'argent. Sauf qu'on doit absolument avoir de l'argent que pour s'en servir. On ne doit pas avoir de l'argent que pour se sécuriser. Et la meilleure façon d'avoir de l'argent pour s'en servir, c'est de s'arranger pour que plus de gens en aient. Lorsqu'on vit dans une société riche, on a de l'argent et on peut acheter. Lorsqu'on est millionnaire dans une société pauvre, on a de l'argent et on n'a rien à acheter. Il y a des personnes, quand j'étais au Guatemala, j'étais millionnaire plusieurs fois. Au Pérou, j'étais millionnaire plusieurs fois. Bon, alors on arrivait avec 50 piastres, puis on changeait ça pour 1 million de dollars de leur place. Et avec 1 million de dollars, tu achètes quoi? Ah, ça coûte pas cher, tu peux acheter 2 camions de pain. Bon, ben, je vais m'acheter une grosse radio, il n'a pas à vendre. Bon, ben, je vais m'acheter un hélicoptère, il n'a pas à vendre. Ben, je vais me louer un hôtel avec un bain thermal, il n'a pas. T'es millionnaire, mais il faudra que tu manges ton argent. Tu peux rien acheter avec. Si je suis millionnaire dans une société qui est riche, là, je peux tout acheter. Ah, il y a des hélicoptères au Pérou, ils les ont achetés aux États-Unis. Ben, il fallait qu'ils achètent avec l'argent américain, ce qui fait que là, le millionnaire, il a 50 piastres américains. Alors, franchement, il n'est pas mieux avancé. Quelle attitude on doit avoir avec de l'argent? S'organiser pour que tout le monde en ait. C'est pas un missionnariat, c'est le même phénomène. Les radios, on en fabrique parce que les gens en achètent. Plus les gens sont riches, plus ils en achètent, plus on en fait des bonnes. Vous en voulez une bonne, il faut que tout le monde achète des mauvaises. Puis lentement, on va en fabriquer des bonnes. Comment apprendre à reconnaître l'intuition? Bien ou mal, on dit toujours « je le savais ». Moi, ouais, ben, je le savais, c'est à cause qu'on a eu le feeling qu'on devait faire une chose et on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui détermine dans l'événement évolutionnaire humain une bonne décision? Une compagnie amène un nouveau produit et elle dit « machin chouette, amélioré ». En même temps, une autre compagnie amène un autre truc et elle dit « machin chouette, amélioré ». Cette compagnie-là commence à en vendre plus. Celle-ci en vend plus pantoute. Quelle a été la mauvaise décision? Les deux ont pensé peut-être de ne pas le faire. Et les deux l'ont fait. Celui qui a pensé pas le faire et qui l'a fait, qui manque son coup, il dit « je le savais ». Celui qui a pensé ne pas le faire et qui le fait, il dit « Michel, je me suis écouté ». Il y a des compagnies qui améliorent leurs produits et les gens se disent « ah, c'est amélioré, j'en achète ». Coke améliore son produit et les gens se disent « quoi, je me suis fait fourrer pendant 55 ans? Ah, ben, je n'achète plus ». Tide fait la même chose et on n'en achète plus. Mais par contre, l'autre, on en achète. Elle est où, la mauvaise décision? Une mauvaise décision dans le plan expérientiel de l'homme, on la décode seulement dans le résultat. Quelle que soit la décision que vous prenez, c'est une décision. Elle est bonne si ça l'amène ce que vous recherchez, et elle est mauvaise si ça ne l'amène pas. Sauf que quand vous dites « je le savais », c'est faux, vous ne le saviez pas. Quand vous dites « j'ai bien fait de m'écouter », c'est aussi faux. Il y a des personnes qui devront réussir, il y a des personnes qui devront manquer leur coup. Qui, cosmiquement, on s'en fout. Ça peut être vous, ça peut ne pas être vous. Comment décoder une bonne intuition d'une mauvaise intuition? On ne peut pas. On va le savoir après. L'homme vit tant qu'il est assujetti à l'évolution de l'animal humain, une condition expérientielle d'évolution. Il doit expérimenter. Lorsque l'être humain arrive au savoir, il accomplit. Donc, il ne désire pas, donc il ne décide pas, donc il ne choisit pas, donc il n'y a pas de mauvaise décision ou de bonne décision, il accomplit. Un jour, vous allez tous être exactement à votre place. Vous êtes tous assis sur des chaises, mais vous n'êtes pas sur la bonne chaise. Il y en a ici dans la salle qui se sentent inconfortables sur les chaises. D'autres ont l'impression de dormir. D'autres comprennent moins. D'autres s'irritent. D'autres sont bien. Il y a une personne ici qui a de la difficulté à suivre. Elle n'est juste pas à sa place. Parce qu'elle s'assoirait ailleurs. Et là, elle comprendrait tout. C'est vrai dans la matière. Et c'est vrai dans tout le phénomène événementiel. Je suis policier. Et malheureux, tu n'es pas à ta place. Moi, c'est vrai, je suis changé de caserne. Peut-être pas de ce place-là où tu n'es pas. Peut-être. Peut-être pas. À un moment donné, un jour, vous allez tous être à votre place. Vous allez tous avoir la faculté de décoder la place où vous devez être. Et vous ne prendrez plus de décision. Mais étant donné que l'être humain a encore besoin de l'illusion du libre-arbitre, il prend des décisions. Et ces décisions, c'est simplement un refus de la conscience d'accepter l'idée que, au niveau des plans inférieurs, ce sont les plans supérieurs qui ont orchestré la mécanicité évolutionnaire des plans inférieurs, étant donné que l'être humain a une copie conforme de l'intelligence dans les plans inférieurs et que cette copie conforme pense qu'elle décide, on est toujours au niveau de la conscience ailleurs que dans notre place. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que sur cette chaise ici, un être humain doit être assis. Je veux dire que sur cette chaise-là, c'est la même chose, un être humain doit être assis. Dessous la lumière là-bas, un être humain doit être assis. Ici, la même chose. Qui doit être assis où, on s'en fout, mais un être humain sera assis. Mais n'importe quand, vous pouvez changer de place et ne rien changer au phénomène évolutionnaire dirigé par le phénomène archangélique. Vous ne changerez rien. Parce que si vous changez quelque chose, on va vous rasseoir. L'intelligence va s'en occuper. Mais si on fait juste changer de place, peut-être que tout le monde va finir par être à sa place. L'unité ne supporte pas l'amputation ni de l'anti-homme ni de l'ego. Pourquoi l'unité s'amputerait-elle? Concept philosophique. Il n'est pas question d'amputer. Il est question de digestion, de mutation, d'alchimisation, de transmutation. Il n'est pas question d'amputer. Lorsque nous ôtons une dent à un corps physique, est-ce que nous amputons la matière de la matière? Non. Nous amputons la forme de la dent à la forme de la bouche. Parce que l'être humain limite la conscience de l'unité à la bouche ou à la dent, il dira « on a amputé la dent » ou il dira « on a amputé le corps ». Mais rien ne s'est créé et rien ne s'est perdu cosmiquement. On n'a pas amputé, on a déplacé. Mais on n'a pas amputé, on a changé les choses. On prend un arbre, on l'ampute de ses branches, du point de vue d'une conscience très arboricole. On coupe, on ôte l'écorce, on fait des planches, on ampute encore. Mais cosmiquement, rien n'a été amputé. Des choses ont été déplacées, transformées. De l'arbre, on en fait une maison ou un meuble. On a fait de l'alchimie. On a transmué un arbre en meuble. Et le reste qui manque n'a pas été perdu. Du point de vue du meuble, du point de vue de l'arbre, peut-être. Mais on a donné le reste du bois comme aliment à un porc-épic. La matière n'a pas été perdue. On a fait brûler le reste. Tout est transformé. On a de la cendre, on a du gaz carbonique, on a eu de la flamme, de la chaleur, de la lumière. Rien n'a été perdu. On n'a rien amputé à l'unité. On a transformé. L'anti-homme n'est pas amputé, même s'il se ramasse à l'extérieur de nous. Il n'a pas été amputé de rien, du point de vue d'une conscience. Nombritique, oui. Cosmiquement, non. Il servira à autre chose. Je regarde les personnes faire des « Halla, halla ». Ça, c'est ceux qui vont « Halla messe ». Je trouve ça ridicule. Mais je m'observe et je me trouve aussi ridicule qu'eux. Comment faire pour être sûr que je suis sur la bonne voie de la conscientisation alors que rien ne prouve que ce que tu dis existe? Comment concilier l'intelligence de connaître ce qu'on fait ici et ne pas se faire de vérités qui pourraient nous amener à agir d'une façon non conséquentielle? Alors, on y va. Je regarde les personnes faire des « halla halla », je trouve ça ridicule, et je m'observe, et je trouve ça aussi ridicule qu'eux. La personne, elle est encore à la phase où elle doit regarder sans doute les fesses plutôt que la tête. La personne qui fait « halla halla » et qui se penche, elle dresse son derrière. Et si on regarde le derrière, on trouve ça ridicule. Mais si on regarde la tête, peut-être qu'on ne trouvera pas ça ridicule. Bon. Ça dépend du point de vue. On se trouve aussi ridicule qu'eux. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, parce qu'on se projette. On projette eux dans nous, nous dans eux. Comment faire pour être sûr que je suis sur la bonne voie de la conscientisation alors que rien ne prouve que ce que tu dis existe? Savez-vous comment les personnes autres que la majorité d'entre vous ont réglé cette question? Comment faire pour être sûr que je suis sur la bonne voie de la conscientisation alors que rien ne prouve que ce que tu dis existe? Et les personnes qui ont réglé ça ont appelé ça la foi. Et la foi, elle est problématique parce que la foi a une tendance dans le monde de la mort à rendre l'homme aveugle. Alors, pour éveiller l'humain, on brise la foi. Et une fois qu'elle a brisé la foi, on lui dit peut-être que dans ton cas, tu devrais encore avoir un peu de plus de foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est la création d'un chaînon qui permet à la conscience de voyager de haut en bas et de bas en haut. Étant donné que l'être humain est dans un tunnel et qu'il rencontre une personne qui arrive de l'autre extrémité du tunnel et elle lui pose la question, est-ce que le tunnel est encore long? La personne répond, non. La personne qui pose la question et qui se conscientise va dire, non, pour toi, mais peut-être oui pour moi. Alors, quelle distance y a-t-il? Ah, commence à clarifier ces choses. Pour vivre moins de déception, l'autre lui dit non parce que c'est un grand marcheur, puis lui, après 30 pieds, il s'écœure. Alors, la personne va dire, ça prend 5 minutes si tu marches à 3000 à l'heure. Il y a tant de kilomètres. Ah, correct. La personne, elle commence à marcher et subitement, elle se dit, parce qu'elle voit encore du noir, puis elle se dit, crime, si c'est 5 minutes, on devrait avoir de la lumière. Elle dit, comment puis-je savoir que ce qu'elle dit est vrai? Il y a une seule réponse, pose plus de questions, la tarte, si tu ne peux pas croire les réponses. Puis il marche. C'est simple. La personne qui n'est pas capable de vibrer le voyageur qu'elle rencontre, elle risque de poser la même question à tous ceux qu'elle va rencontrer. Et là, va-t-elle juste deux fois plus mêlée. Il y en a un qui parle en kilomètres, l'autre parle en mille, l'autre parle en temps, l'autre trouve que c'est pas long, l'autre n'y a pas pensé, l'autre n'a pas regardé, l'autre dit, ben moi, je suis en auto, fait qu'en auto, c'est pas long, moi, je fais du pouce, moi, j'ai bon. Alors, finalement, tous les chemins mènent à Rome, ouais. Prends-en un qui te vibre et puis il roule dessus. Mais l'homme est ayant souffrant d'une petite chose qu'on appelle de l'orgueil de temps, étant impatient, il perd tellement de temps à changer de véhicule pour prendre le plus rapide que finalement, les véhicules-là ont le temps de se rendre alors que lui est encore en train de changer de véhicule. Le chemin, ce n'est pas grave. Tu marches et on te dit, c'est dans 5 minutes, tu sors du tunnel. Tu continues à marcher et tu vois toujours du noir puis tu te dis, ouais, mais là, je me suis peut-être fait fourrer. Tu ne t'es pas fait fourrer. Tu marches par là alors qu'il t'a dit 5 minutes et que ça prenne 3 jours, quel que soit ce qu'il va t'avoir dit, de toute façon, ça va te prendre le même nombre d'heures, le même nombre de temps. L'important, c'est le symptôme de l'évolution, au niveau de ce qu'on peut percevoir pour savoir si on est sur le bon chemin. Par contre, la majorité des humains qui n'ont pas assez de conscience recherchent que le symptôme et se vantent d'être évolués. L'intelligence supramentale, elle amène l'intelligence chez l'humain. Elle désassujettit l'homme à la souffrance émotive. Tu es capable d'assister à un enterrement sans souffrir. Tu es sur le chemin. Oui, mais ça ne m'arrange pas. Exact. Il manque un contact bouddhique, un contact divin. Oui, mais ça n'existe pas. Si ce que tu fais comme démarche t'amène à goûter la vie, à sourire, à être au-delà du bonheur, donc ce n'est pas une question d'évolution d'animal humain où est-ce que je t'écrase moins, puis plus, etc. À être libre de ces choses-là. À être capable de vivre instantanément tout ce qui arrive sans jamais t'identifier à l'événementiel. Autrement dit, ce sont des termes complexes, je vais prendre des termes plus faciles. Un mormon les comprendrait. Je ne sais pas si vous allez les comprendre. Si tu es capable d'arriver à vivre pleinement, totalement ta vie, avec une sécurité telle que rien ne peut venir te faire plier et te faire flancher. Si tu arrives à sourire et à être totalement heureux dans l'expression, et cela 24 heures sur 24, même si tu ne comprends pas pourquoi tu es heureux, tu es mieux que celui qui comprend pourquoi il devrait l'être. Est-ce que tu as besoin de savoir que... Parce que la question, quand on la pose à l'intelligence, combien de temps avant la fin du tunnel, je te réponds 5 minutes. Tu marches, après une minute, tu ne vois toujours pas de lumière, tu te dis, ah ben, politique, etc. Tu Si je t'ai compté le menterie, continue à marcher, tu vas arriver pareil. La seule chose, c'est que je ne t'ai pas compté le menterie, mais tu m'as pas demandé si c'était la nuit ou le jour. Tu m'as pas demandé s'il y avait un virage. Tu m'as pas demandé s'il y avait une porte. Il y a bien des raisons pourquoi tu vois pas de lumière dans le fin, tu vois pas la fin du tunnel. Et au lieu de continuer à marcher, tu te dis... 5 minutes, il m'a dit, bon, mais là, ça fait 2 minutes que je marche. C'est pas vrai, ça fait 2 minutes de temps qui passe. Tu marches pas, tu jases. Et puis là, tu dis, un instant. Ben là, si tu reviens, si t'es pas en plus, on peut additionner. Et tout le broutage que l'humain fait pendant ce temps-là, on ne doit pas compliquer les choses, on doit les simplifier. Pour simplifier les choses dans l'être humain compliqué, on doit mener de la complexité de façon à ce qu'il croit à celui qui va amener la simplicité. Je répète. Lorsque je dis à un être humain qui me demande comment puis-je être heureux, je lui réponds, sois heureux. Puis ça va me t'attendre fou. Alors je prends des grands mots, je prends 3 heures de temps, je le vire d'abord au complet, je le secoue comme il faut, je le tape. Puis après ça, il me dit, ah, c'est simple, pourquoi tu compliques tout le temps? Puis là, je m'en vais. L'être humain étant compliqué, il ne peut pas supporter une explication facile parce qu'il a de l'ego. Si ça serait si simple, ça fait longtemps que je l'aurais faite. Et au nom de ce mot, de cette phrase, il préfère les explications compliquées, ce qui lui donne au moins la raison, le phénomène égoïque de pouvoir supporter l'idée que « Ah, je comprends pourquoi je ne suis pas réussi, c'était tellement compliqué. » Comment faire pour être sûr que nous sommes sur la bonne voie de la conscientisation? Plus on se pose des questions, plus on se conscientise. Plus on arrive à englober des mécanicités grandioses, plus on se conscientise. Quand on va être capable de comprendre l'intelligence sous-jacente aux guerres? C'est parce qu'on se conscientise. Ça ne réglera pas le problème de la guerre, mais vous êtes sur le bon chemin. Quand vous allez encore vous poser la question, oui, mais est-ce que je suis un disciple puis c'est un maître pour moi? Ça, j'ai peur. On se conscientise. La conscientisation, elle n'est pas facile pour la simple raison qu'elle fait partie du processus qui détruit le passé pour vous permettre de connaître le neuf. C'est ça, la conscientisation. Très simplement, si vous êtes capable d'accepter du neuf, vous vous conscientisez. C'est très simple. Verso. Comment concilier l'intelligence de connaître ce qu'on fait ici et ne pas se faire de vérités qui pourraient nous amener à agir d'une façon non conséquentielle? Comment arriver à comprendre toute la mécanicité planétaire sans finalement se missionner dedans? Si tu te missionnes dedans, c'est que tu avais été missionné dedans. C'est ça. On ne doit pas compliquer les choses et la seule façon de ne pas compliquer les choses est d'avoir la faculté de lire dans les copies conformes du monde de la mort qui vont plus facilement nous instruire d'une copie plus réelle dans les cieux. Je recherche une personne. Je suis engagé pour découvrir une personne. Qui est perdu, partait disparu sur la planète. Alors, je m'en vais voir sa mère et je lui dis, à quoi elle ressemble? La mère, elle me dit, ben, elle a un nez, elle a 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, elle a des cheveux roux, elle a des pommettes saillantes, elle a un menton pointu. Et là, je me dis, ah, OK, c'est, j'ai une bonne idée. La mère a dit, veux-tu que je te montre une photo? Photo, c'est une copie tellement morne, hein, à 2 dimensions. Moi, j'aime autant marcher avec la copie qu'elle vient de me donner là. C'est plus divin, c'est plus haut, plus évolué. Mais est-ce que dans mon cas, moi, je ne ferais pas mieux de prendre la copie plus basse, même si je travaille avec le haut? Alors, je me vais voir ses amis, à quoi elle ressemble? Puis là, je vois plein de gens qui vont me décrire à quoi elle ressemble. Je vais juste aller voir la photo. Il a amené avec moi la photo. C'est pas la personne. C'est une photo. Je comprends. C'est une copie en deux dimensions. C'est pas une copie dans toutes les dimensions comme la mère me le donne, comme les amis me le donnent. Je comprends. La photo ne me dit pas quelle émotion elle a. Elle me dit pas ce qu'elle aime, ce qu'elle haït. Elle me dit pas les couleurs qu'elle aime porter. Elle me dit pas la couleur de ses sous-vêtements. Elle me dit pas comment elle parle et quel est son langage. Elle ne me dit pas tout ce qu'elle a fait dans le passé. La photo ne me dit rien de ça. Mais la photo va me permettre de trouver la personne tout de suite, par exemple. La personne qui refuse les petits archétypes, parce qu'un jour elle a adoré les photos, eh bien, elle s'évertue à travailler énormément et à passer énormément de temps. On doit faire attention à cela. Tout le travail que j'ai fait depuis quelques années et que d'autres ont fait est un travail qui doit briser l'attachement de la conscience de l'homme envers les copies. Lorsque l'attachement envers les copies est suffisamment trituré, maintenant on doit installer dans la conscience de l'homme l'intelligence de se servir de la copie, sans penser que la copie devient la réalité. Et la personne va dire, oui, mais à un moment donné, si je rencontre une copie tellement parfaite que je la prends pour la réalité, ben, ça ne va rien changer. C'est au bout, c'est merveilleux. Tu vas simplement vivre un degré plus facile d'évolution pendant un laps de temps jusqu'à temps que tu te réveilles, que tu vois encore que c'est une copie, puis que tu continues, c'est tout. N'ayez pas peur de vous faire avoir de toute façon. Ouais. Je voudrais que tu expliques le processus chronologique du corps et est-ce que les techniques PMC pratiquées à certaines heures peuvent être plus efficaces? Ouais, le corps physique a un chronométrage qui le restreint à certaines évolutions rythmiques de notre planète. Alors, il y a par exemple les méridiens d'énergie yin et yang que l'acupuncture connaît, qui auront des phases de plénitude et des phases de baisse. Or, à un moment donné, un méridien est dans sa phase de plénitude, c'est-à-dire que l'énergie yang ou yin dans ce méridien-là est à son maximum. Et lentement, il diminue jusqu'à une phase opposée où il sera à son minimum. Et chaque méridien fonctionne différemment. On peut dire que si vous allez voir un acupuncteur et qu'il vous donne un rendez-vous selon son calendrier, il travaille mal avec vous. Parce que l'acupuncture devrait se pratiquer dans un hôpital. Vous restez là 24 heures sur 24 et l'infirmière passe, puis à telle heure, elle pique tel méridien. Et à telle heure, elle pique tel autre méridien. Et à telle heure, tel autre méridien. Et là, on aurait une médecine acupuncture qui va fonctionner. Parce que sinon, quand on pique tous les méridiens d'un coup, c'est comme si on dirait, tu prends 4 pilules et tu prends ça 4 fois par jour, mais vu que tu n'as pas le temps à parler les 4 en même temps. Ça est toxique. Le corps vital a son rythme. Le corps astral a son rythme. Certains parlent de biorhythme, on s'y rapproche un peu. Le corps mental a son rythme. Quand devons-nous faire certains exercices PMC pour les ajuster avec sa relation chronologique? Avec les phénomènes, les mondes qui nous entourent, les mondes parallèles, donc le monde matériel, le monde vital, le monde astral, le monde mental. Bon, c'est simple, ce qu'on a à faire, c'est d'observer. Puis quand on est bien, c'est là. Simple, hein? Puis ici, à un moment donné, ça fait 2 ans qu'on est bien, puis là, on ne l'est plus, c'est parce qu'on a changé. Maintenant, il faut qu'on recherche encore. L'individu va dire, oui, mais c'est plate, tu nous dirais carrément c'est quand? Ça dépend de chaque individu. Ah, ben je peux te voir en père en privé, puis tu me diras. Bon, travailler un petit peu. Martyr, bouddhique ou supramental, l'important, c'est de l'être, n'est-ce pas? Est-ce mieux d'être martyr, un niveau plus haut que martyr divin ou embarquer ceux qui gèlent dans son char? Bon. Est-ce mieux d'être martyr, un niveau plus haut, puis martyr divin à embarquer ceux qui gèlent dans son auto? Le problème, c'est que je donne des exemples, hein? Bon. Puis, quand on prend l'exemple pour... quand on prend la copie pour la réalité, on crée des problèmes. Quand on prend l'exemple pour autre chose qu'un exemple, ça crée aussi des problèmes. La personne, elle veut savoir si c'est important, finalement, d'être martyr sur un plan, sur l'autre plan, ou de ne pas l'être, etc. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il en vient un plan au niveau de la conscientisation supramentale où l'être humain se fout de tout. où l'être humain n'a même plus suffisamment de vibrations chez lui, tout ce qui lui reste, c'est de l'intelligence. Et lorsque l'être humain n'a plus suffisamment de vibrations pour arriver à décoder autre chose que sa crise d'intelligence, bien nécessairement, l'humain va devenir un martyr de la transition. Ça ne me dérange pas parce qu'on en a besoin. Et l'être humain va dire, ouais, mais tu sais, moi, être un, ou être l'autre, ou être ci, ou être ça, je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous. Tout ce que je dis, c'est que je parle à ceux qui ont encore un peu de vibration. Ce serait très intéressant qu'on travaille cette vibration-là. Être martyr bouddhique, il n'y en a pas. Être martyr supramental, il n'y en a pas. Être martyr de la transition, il y en a et il y en aura. C'est essentiel et nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux? Être martyr divin ou embarquer ceux qui gèlent dans sa cour ou être martyr à un niveau, etc. Ceux qui gèlent dehors, ils gèlent dehors. Ce n'est pas mieux d'être quoi que ce soit. Moi, je vous dis que des gens qui vont marcher en Lada, des gens qui vont marcher en Rolls-Royce, c'est tout ce que je vous dis. Vous avez le choix entre la Rolls-Royce ou la Lada. L'individu qui dit, ouais, mais moi, tu sais, une Lada ou une Rolls-Royce, pour moi, c'est pareil. Pas de problème, prends ce que tu veux. Et il va sans doute prendre la Lada. Il va se rendre pareil, il va geler l'hiver, il va swinguer pas mal, il va changer ses roues souvent, il va faire qu'il mette la musique au bout pour enterrer les soupapes. Il va arriver. Des humains devront rouler en Lada, c'est essentiel. Des humains devront rouler en Rolls-Royce, c'est essentiel. Quand tous ceux qui sont en Rolls-Royce sont arrivés en avant, ils vont devoir attendre tous ceux qui viennent en Lada. Le plan divin va dire, attache donc les Lada après ta Rolls-Royce, puis tire là-dedans. Mais il veut rester dans sa Lada, convertis-le pas, laisse-le dedans. C'est quoi? Vous avez le choix entre conduire le bulldozer qui va tasser toute la neige ou être en arrière dans ce que vous pourriez appeler le beau gros char de luxe, appelez le Rolls-Royce si vous voulez encore, puis suivre le bulldozer. Il y en a qui n'auront pas le choix d'être dehors dans l'intempérie à bulldozer et à ouvrir le chemin. Celui qui, dans son intelligence supramentale, s'achète une grosse Rolls-Royce puis se fout de tout le monde puis est bien, bien, il doit quand même suivre le bulldozer et ne peut pas aller plus vite. Celui qui finit par s'acheter un 4 roues motrices de luxe ne pourra pas aller plus vite que le bulldozer non plus. Par contre, à travers tous ceux qui vont suivre le bulldozer, ce que certains appelleraient un avatar, ce que certains appelleraient un maître, et qui puent au nez de bain du monde, bien, il y en a qui vont quand même marcher à pied, marcher à cheval, être en Lada, puis tiens, on va monter lentement de niveau jusqu'à la Rolls-Royce. Mais vous avez le choix. Tout ce que je vous dis, moi, c'est que des humains qui devront être à pied, des humains qui devront être dans Lada. Si on pose la question, pourquoi? Parce que le bulldozer, il ramasse plein de cossins, les chars qui suivent, ramassent d'autres cossins, puis finalement, il y a d'autres petits bouts qui manquent, puis c'est les gars à pied qui vont les ramasser. On ramasse l'univers! Juste pour ça. Et la personne qui dit, ouais, mais tu sais, être en avant, être en arrière, c'est que finalement, c'est celui qui, j'en reviens, marche qu'au niveau de l'intellectualisme. Il n'est plus capable de vivre sa conscience. Et ça crée un problème majeur. Il ne peut être dynamisé que par la lutte, le dialogue avec certains individus, mais il ne vit plus son intelligence. Il n'est plus capable de vivre. Et c'est le problème, et ça, on doit bâtir dans la structure évolutionnaire supramentale des êtres humains qui ne vivront pas leur intelligence parce qu'ils doivent ne servir que de canal supramental pour que l'intelligence soit astralisée par eux, placée dans le monde de la mort, pour que tout le reste de l'humanité puisse s'abreuver là, alors que l'eau est trop chaude en haut. Juste ça. Il y en a qui vont boire l'eau chaude et qui vont dire, oh, c'est chaud, elle est plus froide là. D'autres pourront la boire. Puis il y en a qui vont la boire, puis qui vont la prendre. C'est tout. Il n'y a pas de destinée individuelle. Vous allez avoir le choix, tant que cela reste dans les lois ou dans les choses déjà accomplies au niveau des structures des créatures du temps, tant que cela reste au niveau de ce qui doit être fait, pourquoi ça doit être fait? Parce que c'est déjà fait. Bon. Tant que ça reste là-dedans, prenez ce que vous voulez. À l'instant où la personne dit, ah ben moi, je ne veux pas être dans une Lada, je ne veux pas être dans une Rolls-Royce, je veux fabriquer mon propre véhicule, tu vas être un de ceux qui vont marcher. À moins que tu t'es vaché sous le capot d'une auto à un moment donné, puis tu penses que tu es à l'extérieur, mais tu roules dessus quand même. Il n'y a pas de libre-arbitre. Il y aura des riches, il y aura des pauvres. Lorsque les riches veulent qu'il n'y ait plus de pauvres, on peut pas. Ça n'appartient pas à l'illusion émotive de l'homme de transformer les structures archétypales d'évolution. On veut qu'il n'y ait plus de guerre à sa planète. Pour l'instant, c'est pas le temps. Tous ceux qui essayent, c'est beau, c'est bon, faut les encourager. Faut pas embarquer, mais faut les encourager. Puis ceux qui font la guerre, pas besoin de les encourager, eux autres. Mais c'est nécessaire. Sur un champ de bataille, il y aura des tués. Qui? On s'en fout, il y aura des tués. Ça peut être vous, ça peut ne pas être vous. Vous avez le choix. Quand l'être humain arrive à une phase d'intellectualisation où il ne devient pas supramental, mais où il devient hypermental, il ne vit plus. Et il y en a ici qui vivent ce genre de choses, qui vivent ce non-vie. Et ils peuvent venir me voir et me dire, oui, mais là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a besoin, le gars? C'est une bonne claque ou la fille, une bonne claque en plein visage. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin que la maison brûle. Elle a besoin de vouloir se suicider, puis manquer son coup, puis qu'il n'y a pas de balle. Et elle a besoin de descendre bas, bas, bas, bas, jusqu'à temps que soit totalement brûlée son hypermentalisation. Puis quand cela va commencer à broyer, puis quand elle va recommencer à broyer un point tel que la première personne qui va s'approcher va s'agripper dessus pour se coller dessus, là, elle va commencer à vivre. Et puis, lentement, elle va se replacer en perdant pas sa conscience, mais en sachant qu'elle doit être humaine si elle veut devenir divine. Avant qu'elle se mette à broyer, elle va dire, « Moi, je m'en fous d'être divin ou humain. » Ça va de soi. Et c'est ces genres de personnes-là qui devront souffrir énormément, énormément, énormément, énormément, jusqu'à temps que chez eux soit totalement, totalement, totalement consumée l'intellectualisation évolutive. Alors la personne qui ne comprend jamais rien de ce que je dis, puis qui est toujours, oui, mais ça c'est un concept! Flore! Ça c'est un concept! Elle ne comprendra pas plus. Mais elle est sur le bon chemin, là. Et si je lui donne une claque en pleine face, puis que je risque de me faire poursuivre, je ne lui en donne pas. Elle va s'arranger pour s'en donner elle-même. C'est ceux-là qui deviennent chômeurs. C'est ceux-là qui n'ont plus d'amis. C'est ceux-là qui souffrent. Ils sont connectés, contactés, intellectuellement. Ils s'amusent. La seule chose qui peut aider ces gens-là qui n'ont aucune, qui vont dire « Oui, mais moi, ça ou ça. » Puis finalement, même ce que tu dis là, ça... Bon, vous avez le choix. La vie va vous le montrer, ou bien vous devrez avoir la foi puis suivre quelqu'un. J'ai toujours dit qu'il fallait suivre personne. Non. Il ne faut pas suivre personne. Quand on a une conscience, quand on est rendu à tout intellectualiser, on n'a plus de conscience. Fait qu'on se fout de tout. Comment s'en sortir? Va prier. Broye. Suis quelqu'un. Va faire un jeûne jusqu'à temps que ton corps soit suffisamment mortifié pour que tu commences à être chambralé. Va prendre une brosse. Deviens alcoolique. Sauf qu'il y a des moyens plus faciles et l'intellectuel, et ça c'est un danger majeur, je répète qu'on doit s'arranger pour toujours avoir suffisamment de support humain à travers notre conscientisation de façon à ne pas se ramasser, martyr de la transition, ou que tu n'auras qu'un seul rôle. Rire de tout le monde, puis dans ta parole amener suffisamment d'intelligence pour que les gens puissent l'appliquer en te laissant derrière. Il y aura, et c'est utile et essentiel que ces canaux-là se forment entre le plan supramental et le plan astral. Certains humains auront à le former. C'est pas nécessaire que ce soit vous autres, mais vous pouvez toujours le devenir. Intéressant. Maintenant que tu es bouddhique et que tout le monde le sait, vas-tu annoncer dans un mois qu'il faut être divin et bouder le bouddhique? Original. Je n'ai pas dit que j'étais rendu au niveau du plan bouddhique, et une chose certaine, c'est qu'il y a énormément de gens qui me suivent depuis plus de 4 ans, qui ont toujours dit que la nuance qu'il y avait chez toi, c'est que tu étais plus humain. Alors, rien ne dit que je ne l'étais pas. C'est vous autres qui changez. Étant donné que certaines personnes changent, et qu'à un moment donné, ils transpirent certaines choses, j'explique certaines choses. Le plan supramental, c'est de l'intelligence. Ça fait longtemps que je le sais. Et quand je vois les gens de plus en plus se débiner, mais il y en a beaucoup moins. parmi ceux qui ont entendu mes conférences qui se débinent, que un paquet d'autres personnes qui n'ont pas entendu mes conférences. On dit « je suis plus humain ». Peut-être qu'on devrait dire « je suis plus divin », je m'en fous. Mais je ne dis pas que le plan bouddhique, c'est merveilleux. Je ne dis pas que le plan divin, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? C'est au-delà de la création. Je dis simplement que présentement, l'intelligence vous habite dans la majorité suffisamment pour que vous commenciez à exprimer les symptômes de la conscientisation supramentale, que vous commenciez à manger de la marde. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour atténuer la conscientisation supramentale, c'est qu'on s'enligne pour exprimer à travers la conscience supramentale du plan bouddhique, l'amour. L'amour intelligent, ça va de soi. Donc, il y a une copie conforme dans l'astral, les théologies en parlent. Ne l'appliquent pas, ne peuvent pas l'appliquer. Mais dans les certains livres sacrés, on en parle. Et on met ça aux dieux. On met ça peut-être à de grands avatars. Il en parle. Et si on n'a pas besoin de ça parce qu'on est capable d'en voir la substance vibratoire, c'est impeccable, vous vous pluguez au plan bouddhique. Parce que la majorité d'entre vous, vous pouvez vous pluguer au plan bouddhique ou au plan divin. Même s'il y a un petit canal supramental suffisant pour que ça traverse, ça se plugue au plan bouddhique, petit canal, plan divin. Petit canal extérieur. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a de merveilleux que l'homme. Et l'homme, c'est le quelque chose qui a la faculté de cimenter le reste. Pour le reste, cimenter le merveilleux quelque chose d'en haut. Et nécessairement, lorsque l'on passe d'une chose, et je l'ai dit souvent, c'est pas neuf, une chose est yavique jusqu'à temps qu'elle devienne satanique. Ah, bon, on pensait pas que ça compte. Ben, c'est ça. Ça comprend n'importe quoi. C'est bon, jusqu'à temps que ça vous nuise. Le plan supramental n'a pas commencé à vous nuire encore. Le plan supramental n'est pas là pour nuire. Il est là pour appliquer. Mais vous pouvez le contrôler comment? En le rendant plus affectif. En plaçant du sentiment. En apprenant à goûter la vie. Je veux dire quoi? Je veux dire que vous allez vous promener et vous voyez n'importe quoi. Disons un paysage. C'est plus facile à personnifier. Vous voyez un paysage et vous allez... Il y en a un qui dit... Rien. Il dit rien. Il y en a un qui dit... « Wow! T'as-tu vu ça? » Puis il y en a un qui dit, « Ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est un lac puis des montagnes. » Bon. Il y en a un qui est dans le plan d'émotion. « Wow! » L'autre est dans le plan du mentalisme supramental. Ben oui. Bon. Puis il y en a un, lui, qui a du bouddhique exprimé par l'intelligence et peut-être même du divin. Lui, il est là, puis il vibre, il boit. Lui, il sera pas malade. Lui, il n'aura pas de problème. Puis il n'y a même pas besoin de dire à l'autre, voyons, c'est l'émotion ce que tu fais là, tu sais, c'est un peu, là, puis observe. Mais non, il n'y a même pas besoin de dire ça, lui. Lui, il est là, puis il se balance de tout. Il est tellement, s'il est plugué au plan divin, il va même incorporer les deux tartes dedans. Vous trouvez ça cute? C'est vrai. Mais lui, il est le conscientisé qui élimine l'émotion. Savez-vous pourquoi que le conscientiser élimine l'émotion? C'est parce que j'ai dit que l'émotion tuait le corps. Et elle tue le corps. Qu'est-ce qu'une émotion? C'est la perception, l'expérientiation d'un sentiment fait par l'ego qui recherche par la suite à continuer dans le temps la perception du sentiment, ce qui engendre le désir émotif. Comment? Mais je n'ai jamais dit comment on peut abandonner l'émotion. L'émotion, je dis qu'on l'observe. C'est beau. Mais les personnes, pour abandonner l'émotion, ont trouvé un chemin plus facile. Abandonner le sentiment. Le sentiment engendre l'émotion, élimine le sentiment, puis l'émotion. Le sentiment est ce qui va vous permettre de vivre votre conscientisation. De pouvoir en bénéficier, si vous préférez un autre mot. S'il n'y a pas le sentiment, vous ne bénéficierez jamais de votre conscientisation. C'est les autres qui vont en bénéficier. Même les motifs vont en bénéficier. Parce que même s'il y a de l'émotion qui les nuit, il y a encore le sentiment pour vivre. Mais si on perd le sentiment, on va se conscientiser et on n'en bénéficiera pas. Alors, parce qu'on rejette l'émotion, on rejette le sentiment. Non. Oui, mais quand j'ai un sentiment, à un moment donné, si je trippe dedans, puis là, j'aime tellement ça, fait j'aime autant pas vivre de sentiment. C'est comme la femme qui s'est tellement fait avoir par le gars qui dit, « Là, moi, là, je veux plus être tombé en amour. » C'est tellement plus simple, je tombe plus en amour. Oui, il y a un problème, c'est qu'une partie de ta vie, de la nourriture vibratoire que tu pourras aller chercher, que tu n'auras plus. Là, je ne veux plus aimer. Aimer, c'est une vibration. Parce qu'on veut l'entretenir, on engendre le sentiment en tuant le sentiment. On engendre la perception du sentiment. On engendre la continuité temporelle du sentiment. C'est l'émotion. Alors, je ne dirai pas qu'on doit bouder le plan bouddhique. Je ne dis pas qu'on doit bouder le plan supramental. Tout ce que je vous dis, c'est que l'intelligence supramentale, la première chose qu'elle a dit, ça a été « Checkez vos claques! » Je répète, « Checkez vos claques! » Si l'intelligence est écologique, elle embarque les gens qui gîtent. Ah, ben, je connais la personne qui a écrit ça. Pourquoi dis-tu subitement qu'elle n'est pas, elle n'est plus écologique? Je n'ai pas dit ça, elle est très écologique. Et ne fait que constater sans les embarquer. L'intelligence est vibratoire. Pourquoi dis-tu qu'elle ne l'est pas? Je n'ai pas dit ça non plus. Mais savez-vous ce que c'est que l'écologie? À un moment donné, j'avais un Jeep, et puis j'étais monté dans le bois, dans, à travers la boîte et la neige, chercher quelqu'un qui s'est cassé une jambe. Il y avait un plâtre, tout ça, mais on était monté à pied, mais là, la condition de température avait tellement changé qu'elle risquait de descendre sa tête. Alors, je suis monté là avec mon Jeep, puis en remontant avec elle dans le bois, je suis resté pris. En termes de Jeep, on dit « je me suis fourré ». Bon. Alors là, il fallait qu'on descende pareil à pied avec le plâtre, puis tout ça. Puis j'ai rencontré un gars qui m'a dit qu'on faisait du pouce, le gars, il arrête, puis on lui explique ce qui se passe, puis on s'en va à Montréal, parce que j'avais un examen à passer. Le gars, il me dit « ben on va monter en haut, puis on va le sortir, ton Jeep ». Oui. Oui, montons. Là, il amène une scie mécanique, puis un gros cric. Puis on sortit ton Jeep. Fait qu'on monte dans le bois, puis quand on arrive là, mon Jeep est glissé à côté du chemin, il y a des arbres en avant, des arbres en arrière, on est fait. Le gars, il vient pour couper un arbre. Là, je dis, ouais, mais tu sais, c'est nécessaire de massacrer la nature. Le gars, il a de l'intelligence, de l'écologie. Il dit, ben, tu vois cet arbre-là, oui? Je dis, oui. Il nuit à ce gros-là. C'est bon pour la forêt de l'éclaircir de temps en temps. Fait que c'est pas grave qu'on coupe cet arbre-là. C'est l'écologie. Du point de vue de l'arbre, c'est autre chose. Lui, on l'a chopé au nom de l'écologie. L'intelligence, très écologique, mais il trouve que pas dans ses pattes. Alors, on a coupé cet arbre-là, On a pris le bois, on a monté le Jeep avec le cric, on a mis le bois en dessous des roues, puis on a sorti le Jeep du trou. Pas de winch, là, de rien de ça. Mais par la suite, je rencontre un gars qui travaille là, qui est forestier, puis qui m'explique qu'on peut faire de la culture de forêt. C'est quoi la culture de forêt? Tu regardes cet arbre-là, il a l'air beau, tu coupes tout ce qui va y nuire. Eh oui. On appelle ça du défrichage. Défrichage intelligent. Pas le défrichage émotif, dans le sens que tu rases tout pour te plaire. Ce ne sont pas des champs avec la forêt. L'écologie, c'est de l'écologie. Le loup mange le chevreuil. C'est de l'écologie. Vous avez le choix d'être le loup ou le chevreuil. Ça, c'est comme vous voulez. Mais lorsque l'intelligence écologique passe dans un loup qui a faim, ça mange le chevreuil. L'intelligence, c'est écologique. Pourquoi ne peut-on jamais, entre conjoints, se séparer en une seule fois? C'est parce qu'on aime, de la copie conforme de l'amour. Amour psychologique. Pourquoi toujours plusieurs tentatives avant la séparation finale? Parce que dans la conscience de ce qui, chez l'antihomme, de ce qui, chez vous, exprime l'amour psychologique, on n'a pas encore compris le principe de l'amour intelligent. On ne le vibre pas du moins. Alors, pour arriver à briser une union amour psychologique, on doit s'arranger pour la muter en haine psychologique. Et quand on haït suffisamment, là, on peut briser. Parce qu'on garde le prototype conceptuel que quand on s'aime, on reste ensemble. Quand on s'haït, on se sépare. Alors, vu qu'il n'y a pas d'intelligence qui règle l'amour psychologique, ou parce que l'amour n'est pas régi du plan bouddhique dans l'intelligence, nécessairement, on devra commencer par essayer, revenir, et puis on se fait ramasser par l'antihomme qui veut, qui collectivise. Alors, quand on se sépare, bien là, on pense à la seule fois qu'on a du plaisir, ça nous nostalgie suffisamment pour qu'on revienne. L'autre, il revient avec. Puis là, on broye, puis on s'excuse. Puis là, on dit que c'est notre faute. L'autre dit que c'est sa faute, puis on recommence à chicaner. Et puis là, on va encore partir. Puis finalement, quand on aura suffisamment réussi à ressortir les mauvais points pour finalement arriver à saillir suffisamment, on va pas se séparer. Présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. La personne qui va dire « Oui, mais si moi, je suis suffisamment intelligente, je vais lui dire « C'est suffisamment intelligente, c'est écologique. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire que ton gars. » Puis l'autre, tu t'en fous. C'est comme ça que l'intelligence supramentale vous dirigerait. Si je suis bouddhiquement dirigé par l'intelligence, qu'est-ce que je fais? Ah, bonne question. Eh bien, tu t'en vas pareil. Comment instruire l'ego que tout est possible si je n'ai jamais rien vu de paranormal? C'est une bonne question. Elle n'a jamais rien vu qui n'était pas normal. Elle voit le soleil se lever, ça flotte tout seul, mais vu que c'est normal, il n'y a rien là. Elle voit la lune, d'un moment donné, puis elle dit « Hey, maudit qu'elle est belle, ça flotte tout seul, pas de cœur de rien. » C'est normal, il n'y a rien là. Là, elle cherche à voir un auto monter dans les airs. Mais la lune, c'est normal. Comment instruire notre ego? On a juste à regarder. Vous prenez une graine, vous la plantez, puis pousse un chêne. C'est normal. Ben, tout ce qu'on a à faire, là, c'est juste d'ouvrir ses yeux, puis déjà là, de dire « Tabarnouche, c'est de la cellule, puis je vois. » C'est un paquet de morceaux de peau placés d'une certaine façon, puis ça me permet de goûter la lumière. Ah, mais c'est normal. Quand je dis que l'être humain est un petit enfant, puis en mangeant des pommes puis des céleris, il devient un adulte, puis qu'en continuant à manger des pommes puis des céleris, il devrait être capable de redevenir un petit enfant. C'est vrai. C'est aussi impossible de grandir que de rajeunir. C'est aussi impossible. Parce qu'on est, confronté à une impossibilité depuis des millions d'années. L'enfant qui grandit, qui vieillit, on appelle ça normal. Parce que c'est normal, on trouve qu'il n'y a plus rien là. Vous comprenez l'idée? Il n'y a plus rien là, mais vous n'êtes pas capable d'en faire du pareil. Ce n'est pas paranormal, c'est normal. Ce n'est pas une raison, c'est aussi impossible. Si vous marcheriez toujours sur les eaux, vous diriez, ben, il n'y a rien là. Parce que vous ne marchez pas sur les eaux, vous vous dites, mais si quelqu'un marche sur les eaux, waouh! Moi, j'ai déjà vu un médecin marcher sur les eaux. Il a glissé, il est tombé. Puis pour accoucher la femme, il a fallu faire venir un autre médecin. Il a marché sur les eaux. Bon. En tout cas. À quoi servent précisément les cellules gliales qui côtoient les neurones dans l'encéphale? Ont-elles un rôle à jouer dans la mutation neuronique? L'encéphale, c'est une partie de la tête. Les neurones, c'est ce qui constitue l'encéphale. Et les cellules gliales, c'est des cellules. Il y a beaucoup plus de cellules gliales dans notre cerveau que de neurones. Et ils côtoient le système neuronique. La cellule gliale est là comme première fonction de nettoyer. C'est elle qui permet la mutation neuronique. Elle nourrit les neurones, nettoie le cerveau. Elle a même la faculté de se transformer, de muter, et elle peut engendrer des tissus cicatriciels de certains ordres dans le cerveau. Elle permet aux neurones, parce qu'elle les nourrit et les entretient extrêmement bien, de supporter de plus en plus d'intelligence. Un exemple matériel, Albert Einstein avait un cerveau ordinaire. Il avait juste plus de cellules gliales que la moyenne. Le système glial servira nécessairement à exprimer l'intelligence parce qu'il y a le système neuronique, engendre sa structure atomique et subatomique, engendre des vibrations et perçoit donc est manipulable par certaines formes de vibrations qui vont dépolariser le neurone et engendrer ce qu'on appelle la réflexion et la motricité. Alors que les cellules gliales ont presque la même fonction du point de vue supramental, mais le neurone ne peut pas lui réagir de se dépolariser par vibration au plan supramental très avancé, le système glial pourra le faire. Le système glial mutera aussi. Ce sont des cellules qui attendent de se spécialiser. C'est juste ça, le système glial. On va faire une petite pause. Je vais répondre au reste des questions par la suite. Si vous avez d'autres questions, ben vous les amenez.